la matinale de 18h. L'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de 18h, j'espère que vous allez bien autour de moi, oui on dit comme ça, autour de cette table plutôt. Nous avons James, c'est la quatrième fois que tu viens je crois. Exactement, c'est ma quatrième et je suis autour de toi Tristan. Très bien, Mathéo, puisque chaque semaine nous avons un stagiaire différent et c'est ça la folie de Fadjet, nous avons Mathéo. Mathéo, est-ce que tu peux dire bonjour de loin? Yes. Ouais. Oui, j'espère que vous avez entendu Mathéo. Et oui, il est bilingue, ouais, effectivement. Et Jocelyn, the awake man. The awake man, that's me. Jocelyn, bonjour à tous. Et Tristan, je suis également autour de toi. Et tu nous as préparé la météo, je crois. Eh oui, on prépare les choses. Eh bah écoute, sans plus attarder, on va passer tout de suite, si j'arrive à ouvrir mon téléphone, au journal. Il est 18h et quelques minutes, on commence par les informations nationales et internationales avec en France. Le taux de participation au deuxième tour a baissé de 3 points dans le Cantal dimanche dernier. En effet Tristan, la faute à une énorme fête à La Feuillade en Vézi. Les 17 habitants fêtaient l'obtention du permis de conduire de Robert Pitigneux et n'étaient visiblement pas en état de participer au scrutin. Emmanuel Macron porte une alliance à chaque main, les explications de notre reporter. Alors, ces deux bagues correspondent, il y en a une, c'est le sceau d'appartenance à l'ordre des reptiliens, d'accord, hein, c'est un célèbre groupe d'extraterrestres qui domine les postes de pouvoir partout dans le monde. Oh. Et l'autre correspond à la bague obtenue pour sa victoire en NBA en 2011. Hein. C'est assez peu connu, mais avec les Mavericks de Dallas, Emmanuel Macron, il avait participé. Il avait réalisé une moyenne de 5,2 points et 4 bonds par match lors des finales NBA. Il avait tellement aidé Dirk Nowitzki à l'époque. Exactement, il avait été excellent. Oui, effectivement. Et ça, c'est une exclusivité Fadjet hein, quand même. Hein, bien sûr. Peu de gens. Will Smith va jouer dans Plus belle la vie dès septembre 2022. Oui, après l'ouragan médiatique des Oscars, on s'en rappelle, l'acteur américain entend bien relancer sa carrière grâce à la série française. Il y incarnera une jeune femme marseillaise de 21 ans qui parle le langage des signes. Ah oui. Voilà. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Local, le village de Le Ménil-Mitry a voté à 75% Emmanuel Macron avec 3 voix contre 1 pour Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est que les calculs ont été rapides. En effet, les 4 votants se sont retrouvés devant l'urne ce dimanche. Des duels de regards ont eu lieu entre les 4 pour savoir qui avait voté Le Pen. Ils auraient failli en venir aux mains, mais par chance, un des 4 était vigile et a pu intervenir. Un savoureux Nancy Concarneau attend les supporters de l'AS Nancy-Lorraine l'année prochaine en National. En effet, Concarneau, 4e de la 3e division, affrontera Nancy, l'ange déchu de la Ligue 2. Mmh. Les supporters de l'ASNL sont hystériques à l'idée de gagner malgré un pronostic annonçant la défaite du club. Et on peut rappeler la spécialité de Concarneau? Les œufs. Les œufs. Une récente étude de l'université de Coincourt vient de démontrer que se frotter la peau avec une poule vivante réduit le taux de cholestérol. Pour vaincre ce fléau qu'est le cholestérol, des techniques farfelues fleurissent tous les jours. Mais là, c'est une réelle étude menée en collaboration avec la ferme de Vincent à Coincourt. L'étude montre que la race roussette marcherait davantage sur le type B et la Daffy pour le type A. Et la Daffy? La Daffy, oui. La Daffy. Vous pouvez redonner la définition de la Daffy? Daffy, poule noire avec quelques taches blanches. On la retrouve sur une hauteur de 30 à 35 cm au garrot. Est-ce que ça, je me permets, est-ce que ça a à voir avec le Daffy Duck, le canard Daffy? Étroitement lié. Daffy Duck aurait été inspiré hein, de la Daffy. Ah, d'accord. Et Daffy Duck qui vient de Concarneau. Exactement. Bien sûr. Qui soigne l'hépatite A, j'allais dire. Non, le cholestérol de type A. Merci beaucoup pour ces informations. On passe tout de suite à la météo. La météo. La météo vous est présentée par Jocelyn. En effet, grand soleil pour toute personne ayant voté ce dimanche. Malheureusement, pour les abstinents, c'est orage et grêle. Les votes blancs n'auront rien à craindre sauf des coups de soleil. Bravo, merci beaucoup pour ce flash météo. Mais au plaisir, on se retrouve Tristan. Pour le prochain flash info à vers 18h30 à peu près, ainsi que la météo, bien sûr. Mais maintenant, place à l'éphéméride présentée par James. Ce sera juste après Yael Naïm. New Soul. À tout de suite. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Yael Naïm, New Soul. La matinale de 18h, l'émission à côté de la plaque. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Si vous voyez Mathéo profiter de ce corps de brume, j'ai tellement envie de le remettre, mais je ne vais pas réussir. Si je peux. Si je peux. Mais c'est juste pour toi, Mathéo. Ce corps de chasse. L'éphéméride. Corps de chasse. J'ai dit corps de brume. Oui, c'est ce que tu fais. N'importe quoi. L'éphéméride, nous sommes un. Je ne sais même plus. 28 avril. Un 28 avril. Et qu'est-ce qui s'est passé un 28 avril? Alors, c'est James qui nous. Alors, le 28 avril, c'est la journée mondiale des dictateurs. D'accord? Ah oui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est l'anniversaire de l'exécution de Mussolini en 45. Hein, il a été exécuté avec sa compagne. Et c'est aussi l'anniversaire, c'est marrant, l'anniversaire de la naissance de Saddam Hussein en 1937. Ah voilà, donc c'est vraiment une journée sympathique pour tout ce qui est... Anniversaire de naissance, mais il était déjà né, Saddam Hussein. Non, parce que ça, on aurait pu partir sur une idée de réincarnation quelque part. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Le jour où l'un meurt, l'autre naît. Oui, oui. Ou du moins quelques années après. Après, ce sont deux personnes totalement différentes, hein, pour les avoir côtoyées c'est un petit peu. Oui, oui. Et pourquoi Mussolini est plutôt comment ? Chauve. Ah oui, d'accord, oui, clairement. Oui. La reine à Alors, oui. C'est également la journée d'anniversaire de pas mal de mes ex. Penélope Cruz, Jessica Alba, sont nés un 28 avril. Et donc, comme je viens de le dire, Saddam Hussein. Qui fait partie de tes ex ? Bah, écoutez, je voulais pas forcément en parler comme ça à la radio. Il faut répondre maintenant. Il se trouve que j'ai eu, à l'occasion de quelques voyages que j'ai fait en Irak... des relations plus qu'ambiguës avec Ilou. Ok, voilà. Bah on va enchaîner parce que c'est un petit peu gênant. Ah, ok. Je vois que je suis jugé. Alors, on fête les Valérie. Oui. 28 avril. Mais également les Vital. Hein, vous savez, Vitalien. Ça ne vous dit rien ce prénom. Ceux qui écoutent Vita. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, tu le fais bien de le dire, puisque le proverbe, c'est qu'à la Saint-Vital. À la Saint-Vital, assieds-toi, faut que je te parle, j'ai passé ma journée dans le noir. Excellent. C'est le proverbe. C'est très nocturne. Voilà, j'espère voilà. qu'elle a sa carte. Ok, d'accord. Et ben voilà. On a fait le tour là. Bah, moi j'ai fait le tour là. Tout ce que j'avais à dire, écoutez. Et terminer sur la carte vitale, c'est phénoménal. Bravo. Comme un rendez-vous chez le médecin, finalement. Voilà. Exactement ce que j'allais dire. Place tout de suite à l'horoscope après une chanson que j'aime beaucoup et je pense que j'ai déjà dû la mettre souvent, mais c'est pas grave. Kiki ? Non, Nena. 9 und 90. Ria. À tout de suite. We'll be right back. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Nena 99 Luftballons. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'horoscope de 18h sur Fadjet. Un problème de micro peut-être, non? Ah non, non, bah oui, oui, bien sûr, c'est... À chaque semaine, nous avons un stagiaire différent. Et cette semaine, c'est Mathéo. Mathéo, nous avons décidé de te faire ton horoscope, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu étais du signe du... Taureau. Yes. Ça va? Bah, la journée se passe bien pour toi? Bah, pour l'instant, ça va. Ok, tu as fait quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as acheté quelque chose? Non. T'as rien acheté? Non. Je me suis levé très tôt. Ouais. Écoute, c'est très bien parce que en termes de travail, si je lis ton horoscope d'aujourd'hui, c'est écrit en travail. Alors, en travail, non pas en argent, mais bon, je pense qu'il mélange argent et travail. Ne dépensez pas votre argent à tort et à travers. Vous en aurez besoin à court terme. Et pourquoi tu en auras besoin à court terme de ton argent? Ah là, j'ai plus d'argent. J'ai déjà acheté plein de bières hier. Je t'avoue que j'ai plus rien. Gros. On dirait que cet horoscope le savait. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, c'était l'horoscope de hier. Oh. Je me suis trompé. Et voilà. Ah, c'est incroyable. T'es en train de sous-entendre que la bière est à tort et à travers? La bière est à tort et à travers, effectivement. Il l'avait dit. Tu vois, c'est écrit là. Ouais. C'est écrit. Arrête de croire à des dieux. Voilà, l'horoscope de l'Est républicain. Cela dit, moi j'ai l'impression que ce conseil il s'appliquerait à moi aussi et je ne suis pas taureau. Du coup, je me pose la question suivante. Est-ce que je serais pas un taureau? Peut-être. Tu pensais officiellement être quoi? Capricorne, je pensais être Capricorne jusqu'à c'est aujourd'hui. C'est cornu, c'est cornu. Capricorne, saisissez les belles occasions car ce n'est pas le moment de perdre du temps. Agissez cependant avec calme et sagesse. Je sais pas. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois choisir de devenir un taureau? Mm-mm. Ou je dois rester Capricorne? Mais avec calme et sagesse. Moi, est-ce qu'on peut être un peu des deux? Non. Ça fait quoi le mot? Bah non, on n'a pas le droit d'être les deux. Un Capricorne. Mais oui, mais j'ai pas ça. Non, c'est n'importe quoi. Dans la page double, là? À un moment donné, comment? Dans la page double, souvent, il double les pages. Ah oui, attends. Mais est-ce que je peux pas être un Capricorne qui s'identifie comme un taureau? Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une différence quand même entre l'identité de signe astrologique et l'expression du signe astrologique. Chacun est un peu différent. Voilà. T'es un taureau refoulé. En fait, non, pas refoulé. C'est juste que je suis né Capricorne, mais je me sens taureau. Oui. Comme Fabrice sent taureau. Ouais, bah, voilà. Ça doit être ça, effectivement, mais ça s'écrit pas pareil, je crois. Alors attends, revenons quand même à Mathéo, parce que amour. Tu veux en parler ou je lis d'abord? Vas-y. Je lis d'abord. Agissez avec le tact qu'on vous connaît et tous vos petits soucis trouveront des solutions. Est-ce que ça te parle, toi? Est-ce que t'es en... Bah de base, je fais pas attention aux détails, mais. Ben voilà. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ok. Combien de fois, je sais pas, c'est tellement simple, on te dit de lire l'horoscope. Là, tu prends pas le soin des petits détails, alors qu'on te dit, agissez avec tact, que l'on connaît, et voilà, et tous vos petits soucis trouveront des solutions. La parole de ta solution, elle est là, elle est dans l'horoscope. Ou dans l'argent, du coup. Ou dans l'argent de l'horoscope, oui, effectivement. De toute façon, la vie, c'est de l'argent et du tact. Oui, voilà. Et pas dernière, à tort et à travers. Dernière question, est-ce que tu as fait caca aujourd'hui? Je pense que j'ai oui. pas eu le temps, non. T'as pas eu le temps? Non. Ah, bah parce que t'as quand même un bon équilibre en santé. Et bah, à mon avis, je pense que d'ici ce soir, 24 heures, ça sera fait. Voilà. Est-ce que ça correspond bien à ta vie, Mathéo? En ce moment, ouais, carrément, l'argent, l'amour, y a rien, ouais, c'est cool. Voilà. Voilà. Et pas de caca. Et pas de caca en vue, mais ça, à mon avis, ça ne se retarder de manière à ce que tu trouves un bon équilibre. Ça, voilà, c'était l'horoscope. Merci à nos partenaires et confrères de l'Est républicain de nous avoir fait partager ça. L'invité politique Est-ce que ça y est, on l'a bien défini, l'invité politique? Il est en bas, je vais aller l'accueillir. Et c'est Henri Pilaf. Henri Pilaf, quelle est la particularité d'Henri Pilaf? Henri Pilaf, c'est un des plus grands assesseurs de France. C'est ça. Personne qui a aux élections. Aux élections. Ouais. C'est celui qui est réputé pour être la star des assesseurs. Voilà, c'est celui que vous voyez quand vous allez voter. Voilà. Ouais. C'est en tout cas pas forcément lui, mais c'est celui, voilà, vous voulez le voir. Et il est en bas et il nous attend. Bon, bah, tu vas le chercher. Il sonne depuis 3 quarts d'heure. Mais d'abord, Stromae. Stromae, l'enfer, à tout de suite. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Stromae, l'enfer. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Bien. L'invité politique de 18h sur Fadjet. Aujourd'hui, un invité politique tellement à propos, puisque c'est Henri Pilaf. Henri Pilaf, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Vous êtes champion de France d'assesseur de bureau de vote. Et je vous laisse entre les mains de Jocelyn. Bonjour Henri Pilaf. Je vais faire une brève présentation de vous. Vous êtes l'assesseur voulu et reconnu comme étant l'assesseur d'or de France. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Comment vous avez eu l'idée d'être l'assesseur numéro 1? Alors, numéro 1, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, si vous voulez, c'est un parcours classique. Hein, je commence naturellement dans les élections délégués en 4e, 4e B, au collège d'Enfer Rochereau. Ah. Voilà, c'était moi qui recueillais les petits bulletins des amis qui votaient. Je n'étais pas un candidat hein, moi-même. Je ne verse jamais dans la politique. Et voilà, c'était comme ça que ça a commencé. Puis après, les premiers bureaux de vote. Hein, voilà, puis on est demandé un peu partout. Et là, je sévis, comme on dit, dans toute la Lorraine. Voilà. C'était toujours un choix avec deux choix, ou alors on est sur plusieurs, vous pouvez trier plusieurs papiers, plusieurs, un annuaire par exemple. Ah, je peux trier quoi. Je peux trier absolument tout, mais en termes de papier de vote, je suis celui qui compte le plus vite les papiers que vous votez. En exemple, moyenne? Moi j'ai fait ce dimanche, là j'ai fait pas moins de 41 bureaux de vote, entre 20h et 20h08, hein, et je les ai tous comptés. D'accord, c'est moi qui ai compté tous ces bureaux de vote. Et il y a pas moins, rien qu'en Lorraine, hein, j'ai compté pour 21 millions d'électeurs en Lorraine. Mais vous avez un numéro d'urgence ? 21 millions. 21 millions en Lorraine. Hein. Et après, j'ai fini la soirée en Picardie. J'ai fait Picardie, Nord, Nord-Pas-de-Calais. Alors, il se dit que justement, vous comptez tellement vite qu'on n'est pas sûr que vous ne détourneriez pas des votes. J'allais y venir. La fraude, bien sûr. Ah, la fraude, ça c'est la question qu'on me pose toujours, hein, dans les bureaux de vote. Bah, la fraude. Je vais vous dire un truc, hein. Moi, j'ai déjà compté des bulletins dans lesquels il y avait pas moins de 4 noms. D'accord? J'ai déjà compté ça. J'ai pas de problème. Je sais compter absolument tout. Vous voyez, par exemple, dans ce studio. Oui. Je peux vous dire comme ça, là, cash, vous êtes 3. D'accord. Ah oui. Mais vous reconnaissez avoir déjà falsifié des votes? Non, les législatives approchant, on a besoin de savoir, vous comprenez. Alors, j'ai pas falsifié des votes, mais il est vrai que parfois j'ai... Allez-y, dites-le. Parfois j'ai... Vous avez compté, j'ai compté deux fois. Compté deux fois. Ah oui. Alors, est-il vrai que des républiques de l'ex-bloc soviétique et envie de faire appel à vous? Ah, mais je suis énormément demandé dans toutes les zones à risque comme ça, effectivement ex-bloc soviétique. Je suis également extrêmement demandé en Afrique pour mes talents. Je suis là, je reviens d'un petit voyage en Asie du Sud-Est également, où j'ai été mis à contribution. Voilà, je fais pas mal de tournées, hein, quand vous même. Vous êtes gracieusement payé, j'imagine, dans une invitation comme ça, quand le bloc soviétique vous appelle. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Dites-moi, moi, je fais ça pour l'amour du compte, pour l'amour du vote et pour l'amour du compte du vote. D'ailleurs, c'est mon surnom, le compte du vote. Avant de finir, est-ce qu'on peut avoir un petit à voter, un petit votre phrase typique, votre phrase fétiche à vous? Alors moi, c'est vrai que j'aime bien le faire. J'aime bien le faire avec un petit peu de joie comme ça. Bon, on imagine que vous mettez un bulletin. Allez-y, mettez un bulletin. Fait. Voilà. À voter. Ah oui. Vous voyez, oui. Je fais en général comme ça. C'est pour ça que les gens aussi aiment beaucoup. Acapella. Beaucoup. Il faut savoir que j'ai aussi différentes. J'ai des imitations. Hein, par exemple, je peux le faire en faisant Sarkozy. À voter. Voilà. Ah oui. Ah, vous voyez, c'est. Valéry Giscard d'Estaing. À voter. Ok. Voilà. Arnaud Montebourg. À voter. Nagui. Oui, à voter. C'est bon, on a tout vu. Merci beaucoup, Henri Pilaf. Merci beaucoup, merci Henri à vous. Pilaf, pour cette intervention qui me fait. Jean Benguigui. À voter. Je m'en lasse pas, excuse-moi. Oui, effectivement, on peut pas faire ça tout le temps, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Beau challenge avec les prochaines élections législatives de France, hein, puisque vous partez bientôt en Biélorussie. Et sans plus attendre, c'est place au journal, parce que le temps avance, et avant le journal, Chaka Ponk. I'm picky. Hey man, it's not gonna work. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. I'm picky. And all the time I drive him crazy. I drive him crazy 'cause I'm sexy. They call me sexy 'cause I'm hot. Catch my mouth. Don't you know why I'm so hot? 'Cause I am picky. Make you wonder why I'm cold and distant. I'm Punk, I'm picky. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Il est 18h30 quelque chose, c'est un peu fort. C'est le deuxième flash info de cette matinale de 18h. On commence tout de suite par les informations nationales et internationales. Qui sont les personnes pressenties pour intégrer le nouveau gouvernement ? Alors d'abord une surprise avec un double poste de ministre qui serait occupé à la culture, donc deux personnes, ça serait McFly et Carlito. Le président réélu affirme également vouloir s'ouvrir à l'international en nommant la jeune Greta Thunberg à l'écologie. Et on parle également de Paul Pogba à l'intérieur et de Griezmann sur le côté gauche. Et puis, alors, juste sur ce sujet-là, une petite confidence. Sachez que j'ai moi-même été approché pour faire partie du gouvernement. Hein. À quel titre ? À quel titre ? Alors, j'ai pas le droit de. Si. Voilà, j'ai signé un accord de confidentialité. De toute façon, personne n'écoute. Ah oui, d'accord. Alors, ce serait pour être Premier ministre. Voilà, je suis pressenti pour être Premier ministre. Mais je passe l'entretien, là, vendredi. D'accord. Pas celui-là, celui d'après. C'est un QCM ? On espère que ça va se passer. C'est un QCM. Il y a de la culture G, il y a des questions de maths. Ok. Et, et puis, à la fin, tu finis par une bataille navale avec Macron, et si tu gagnes, t'as des chances, ouais. Ah, okay. C'est bien. Très bien. Bon, croise les doigts. Oui, bien sûr, j'enchaîne tout de suite. Suite à ses bons scores dans les départements d'outre-mer, Marine Le Pen va demander l'indépendance de la Martinique et de la Guadeloupe. Son projet serait de se faire élire présidente de la Guadeloupe indépendante avant de lancer une vaste invasion de la France métropolitaine, donc par l'Atlantique, et ainsi de réussir à obtenir le poste qu'elle convoite tant depuis des années. Une bouteille d'huile de tournesol mise aux enchères chez Christie's à Londres bat des records. Elle a été raflée par un homme d'affaires saoudien pour la somme de 12 millions de livres. Celui-ci affirme posséder pas moins de 4 autres bouteilles d'huile de tournesol chez lui. Quand on entend ça, on se dit certaines richesses frôlent l'indécence. Oui, on est d'accord. Et on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mmh. Oui, oui. Et lui, au moins, il aura la chance de se faire des frites. Ce qui n'est plus le cas de nombreuses personnes dans le monde. Merci pour ces informations nationales et internationales. On passe tout de suite aux informations locales. Information locale avec tout de suite, sans plus attendre, je mets un peu moins fort la musique. Salon, on l'a fait, un nouveau challenge sur les réseaux sociaux, sortir en t-shirt en avril en Lorraine. Déjà 3 morts. Les giboulées lorrains du mois d'avril auront eu raison de ces 3 jeunes suivant la nouvelle tendance TikTok. La neige n'était pas prévue pour ce défi risqué qui fait fureur sur les réseaux. La Lorraine en emporte tous les ans avec son microclimat. Petit conseil Grand Est, on ne sort en t-shirt qu'à partir de juin. Le poète vosgien Jean-Louis Lacaille nous a quittés. L'auteur de Psaume pour un minster et recueil d'un auteur ne pouvant vivre nous a quittés dans des circonstances plus ou moins mystérieuses. En effet, son corps aurait été retrouvé dans une station-service. Il serait mort au moment de payer. Oh, je crois qu'une enquête est en cours. En effet. Par le PJ de Coincourt. Et enfin, rébellion à Raon-l'Étape, où des bouteilles vides aurait été déposée à côté du conteneur plein. En effet, elles n'auraient pas été déposées, elles ont été déposées après de nombreuses plaintes déposées à la gendarmerie. Inactives toujours, les habitants ont décidé de faire des rondes pour surveiller le conteneur et ainsi attraper le malotru. Une pratique qui divise les villageois, prétextant un manque de trous disponibles. Un manque de trous disponibles, Lara, on l'étape, c'est ce qu'il faudra retenir. Mais pourtant, plus il y a de trous, moins il y a de conteneurs, non? En effet. Ah bah, donc plus il y a conteneur, plus il y a de trous. Et je pense qu'on peut envoyer un envoyé spécial pour cette théorie, savoir sur place si elle tient. Ah oui, peut-être qu'on aura quelqu'un. Merci pour ce flash info. C'était le dernier flash info de cette matinale de 18h. On passe tout de suite à la météo. La météo. Réveillez-vous en douceur. Il est 18h passé. Le soleil se couche doucement. Il est déjà l'heure de prendre l'apéro. Un pastis, une clope. Vous êtes prêt à émerger pour la happy hour. Le ciel sera étoilé et il fera bon. Parfait pour passer une nuit revigorante. Bienvenue sur la matinale de 18h. Passez une très belle journée. Et j'entends encore des gens qui disent « Jocelyn, ne prépare pas la météo ». J'en entends encore aussi. Hein. Alors que tous les jours de cette vie, ils travaillent. Ils bossent pour vous faire quelques textes, pour vous emmener, vous apprendre un petit peu quel jour il fera. Ils se couchent à 3h du matin. Mais en effet, il n'y a pas d'heure. Il bosse. Voilà, et ça c'est l'exclusivité de la matinale de 18h. Merci beaucoup Jocelyn pour cette intervention. Merci. Mais c'est sélectionné que la météo, hein, messieurs. Oui. Tout de suite, c'est Les Grosses Fesses. Les Grosses Fesses, l'émission phare de la matinale de 18h. Juste après un petit coup de ABBA, parce que j'avais envie. Ah bah oui, bah pourquoi pas. Knowing Me. Ah bah ouais. Ah bah Knowing ouais. You. À tantôt. See my eyes. ABBA, Knowing Me, Knowing You. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. L'émission Les Grosses Fesses, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est directement sur Fadjet avec autour de cette table des chroniqueurs avertis et qui sont capables de répondre à mes questions avec James, avec Jocelyn et avec Mathéo qui est avec nous, hein, bien sûr. Mathéo, qui joue la flûte, c'est lui qui est sur la flûte là en ce moment. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué pour lui d'être aussi bien à la flûte et de répondre aux questions. Voilà, mais il va y arriver. Mais c'est sa capacité et ça, c'est le number one des stagiaires, merci, de Fadjet. On passe tout de suite aux premières questions, puisque je vais vous poser des questions sur l'actualité de ces derniers jours. On part tout de suite sur... Alors, attendez, je vais vous mettre deux bruitages, et vous allez me dire de qui on parle. C'est un peu osé, mais... Alors, est-ce que vous l'avez bien entendu, celui-là ? Pas trop. Alors, attends. Voilà, là on a mieux l'entendu. Et avec celui-là. Voilà, on est bien sûr. Voilà, de qui parle-t-on ? On est sur quelqu'un qui tombe et qui se fait mal. Tout à fait. C'est ça. Moi je suis sur une douleur certaine, ça c'est sûr. Ah, elle est certaine et elle est très... J'aimerais pas l'avoir, cette douleur-là. Ah, sur une perte d'ego ? Non, pas une perte d'ego. Non. Et une douleur au genou ? Alors, c'est plutôt des côtes et omoplates qui sont concernés plutôt que des genoux. Côté omoplate. Ouais. Il y a deux côtes. Actuel. L'omoplate. Ah ouais, c'est vraiment actuel. C'était ce week-end. Ah oui. Et ça a fait le buzz. Hein, si vous êtes un petit peu sportif. Très peu. Je vois ça. Alors, vous connaissez tous ce personnage central de ce sport, puisqu'il est le fleuron français de ce sport au niveau international, quand même. Ah oui. Ah ouais, ouais quand même. Teddy Riner ? Alors non, c'est vraiment l'antithèse au niveau du gabarit, tu vois. C'est vraiment tout l'inverse. Il faut être très léger pour faire ce sport-là. Didier Deschamps ? Non, encore plus léger que Didier Deschamps. Pinocchio. Alors je vais vous mettre complètement paumé. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'adore. Alors il y a une histoire de roue dedans. Non. Ah, c'est un cycliste. Voilà. Un cycliste. Il faut que je cherche dans ma bibliothèque de cyclistes. Vous l'avez pas. Tout le monde en parle. Pinot. Non, c'est pas Thibaut Pinot, c'est l'autre. L'autre. Descharentes. Pierre Roland. Alors si je vous donne le prénom, est-ce que vous êtes capable de me retrouver le nom, bande de gros nazes ? Moi, je peut-être. Julien. Robert Alaphilippe. Ah, oh, Julien Alaphilippe. Et pourquoi Julien Alaphilippe a fait et après? Ah bah il a dû chuter. Chute à l'arrière. Voilà, sur quelle course? La course du Valdiv. Ça se passe en Belgique. C'est la Flèche Wallonne. Non, c'est Liège-Bastogne. Oui, Liège-Bastogne, effectivement. D'accord. Ah oui, bravo. Non mais il y en a qui compte de la connaissance, compte de la culture. Oui, non, mais il y a eu une grosse chute à plus de 70 km/h. Ça a été n'y a pas eu de mort, mais on n'était pas loin d'avoir des morts. Et Julien Alaphilippe s'est retrouvé avec deux côtes cassées, les omoplates, et puis encore autre chose. Mais oui, c'était à cause d'un supporter. Non, là tu confonds avec Paris-Roubaix. Ouais. Voilà. Et oui, attention. Hein. Moi, je suis sportif, mais pas tout le temps. Tout de suite, une autre question. Je regarde si on a le temps pour une autre question, parce que je pensais pas vous scotcher comme ça. Allez, je prends le temps d'une deuxième question. Qu'est-ce que devront faire les salariés de Tesla Shanghai jusqu'au 1er mai, au moins jusqu'au 1er mai? Travailler dans un centre de, comment on dit, de confinement. Eh ben c'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Parce que Shanghai, je sais que c'est confiné, Shanghai. Okay. Ouais, justement parce par que rapport, j'y étais ce week-end et je m'en suis échappé. Donc c'est vrai je le sais. Ouais. Ah bon? Bien sûr. Ah d'accord. Ok. Bien sûr, c'était à Shanghai ce week-end. Pour un bulletin de vote. Ok. Mais c'est pas loin. C'est justement lié au Covid et le fait que Tesla Shanghai, ils devront désinfecter. En fait, ce qui... Oui, alors vas-y. Ils devront désinfecter les poignées de porte à chaque fois qu'ils les montent. C'est encore plus fort que ça. Pour être sûr que les gens travaillent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils doivent pointer toutes les, genre, toutes les deux minutes sur je ne sais quel. Même pas, c'est pire que ça encore. Ils jouent c'est en combinaison, pire. Ils travaillent en combinaison. Non. Mais ils doivent porter deux masques. Non. Quatre masques. Non plus. Huit masques. Ils doivent porter quoi? Pour être sûr de ne pas être en contact avec le reste du monde. Des gants. Qu'est-ce qu'ils font pour être sûr de ne pas être en contact? Ah, ils se mettent dans une bulle. Oui, et donc la bulle, c'est quoi? Un écosystème. La bulle, c'est une surface, c'est une... Alors, je vais t'aider, c'est l'entreprise, et donc... Ah, ils n'ont pas le droit de quitter leur travail, ils doivent dormir sur place. Voilà. Oh là là, mais voilà. T'es trop bon, t'es trop mais bon. C'est bien, ça. C'est non, ça. Mais c'est une bonne initiative, c'est effectivement, bien. Moi, je propose qu'on ne quitte plus Fadjet, nous. L'entreprise, bah, par exemple, effectivement, et puis on ferait la matinale dès qu'on se réveille. Voilà, non, c'est boulot dodo, boulot dodo. On fait l'émission en pendant deux semaines. Et puis oui, c'est on tout. Laisse la porte ouverte des chiottes et puis au moins on peut faire une chronique. Le câble du micro peut aller jusqu'aux toilettes, hein, d'ailleurs, puisqu'il est sur le palier, il est oui, pas loin. Et puis pourquoi pas faire une émission qui dure tout deux le temps, semaines. En fait. Très bien. Jusqu'à la fin des temps. On discute. Il faudrait juste des bouteilles d'eau et puis on est heureux. Ouais, voilà. Ah, donc, oui. Du coup, là, ils vont dormir dans l'entreprise jusqu'au moins au 1er mai. Ce qui leur permettra. Donc, ils vont changer, ils ne feront plus les 3-8. Hein, ils vont faire des 2 fois 12 heures, c'est-à-dire qu'ils vont travailler 12 heures par jour. En même temps, t'as que ça à faire quand t'es dans l'entreprise Tesla. C'est vrai, c'est et vrai. C'est pour faire des voitures qui sauvent la planète. Puis ça reste Shanghai aussi. Non, ils vont quand même pas ouais, se plaindre. Oh, ça va, hein. Et oh. C'est l'invité Showbiz qui est déjà arrivé sur ce plateau. Je te laisse le présenter avant que je lance la musique. C'est David Guetta ASMR. David Guetta ASMR. David Guetta ASMR, bonjour. Bonjour. Bonjour. On se retrouve juste après votre choix musical, à savoir Black Eyed Peas, Shut Up. A tout de suite. Shut Up. Black. You a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work. Gotta move so fast. Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Gonna be your lady. I think I'm going crazy. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa. Black Eyed Peas, Shut Up. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. James, je vous laisse tout de suite entre les mains de notre invité musical. Oui, David Guetta, SMR, bienvenue sur Fadjet. Bienvenue à tous. Voilà, alors pour résumer un petit peu votre parcours et ce que vous proposez, c'est en fait de la techno et de la SMR, c'est bien ça? Exactement. Exactement, je mets... Oh, j'ai parlé comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je mélange l'ASMR et la techno. Oui, je suis artiste dans ce niveau-là. Du coup, la première question qui se pose, c'est est-ce que c'est pas un peu contradictoire? D'un côté, la techno qui est quand même là pour faire bouger, pour faire se réveiller, et l'ASMR qui est plus là pour détendre. Mais la musique est contradictoire, James. Moi, je suis là pour changer les gens, changer leur façon de vivre, changer la façon d'écouter la musique. Les gens aiment la techno, les gens aiment l'ASMR. J'ai fait un mix des deux. Bienvenue sur la techno ASMR. Ah ouais, c'est... On peut peut-être écouter un extrait, non? Ouais, mais là, oui, c'est... Dernier album. Oui, on peut peut-être... On peut clairement écouter un extrait. Ça vous dérange pas peut-être de faire un petit a cappella? Bien sûr que non, ça me dérange pas. Ok, let's go. Tout le monde, on lève les bras. Pull up, pull up, pull up. Papa, papa, bim. Wow, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, Tristan, mais personnellement, je trouve que je suis à la fois détendu et excité. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis scotché. Voilà, c'est vrai que t'es littéralement scotché. Je suis content que tu fasses la chronique parce que là, je. Ouais, on voit Tristan a beaucoup de mal à parler. Je sais pas si on va arriver à finir l'émission, mais c'est vrai que c'est typiquement l'effet recherché. De la technologie. Et donc, du coup, j'imagine qu'à tes concerts, t'as des fans qui sont un peu dans tous les états, en fait. Ah, j'ai des fans qui sont couchés, des gens qui ramènent des transats, qui ramènent des hamacs, qui ramènent. Mais clairement des... Voilà, on a d'ailleurs, je me permets de vous couper, le témoignage d'une de vos fans. Que j'ai réutilisé plusieurs fois dans une musique, oui, en effet, c'est vrai que j'aime beaucoup cette... T'aimes beaucoup utiliser aussi les bruitages, j'aime utiliser le bruit. Toi, en fait, tu utilises tout ce qui est autour de toi. La nature, en fait, nous donne tellement dans la journée, au quotidien, que je réutilise les ronflements, que ça peut être les oiseaux, que ça peut être... Voilà, toi, James, tu me parles, vas-y, dis-moi un bruit, là, fais-moi quelque chose, un bruit. Bah, je voudrais faire le bruit du clignotant, par exemple. Fais-le. Et ça serait réutilisé dans le prochain album qui sort jeudi prochain. Et alors juste un truc, c'est que il y a un de tes sons où en fait ça s'appelle Boulangerie et tu utilises mal d'ASMR à base de croissants. Exactement, de croustillants de pain également. J'ai frite un croissant devant un micro et on est sur quelque chose de très très qualitatif en effet. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Alors n'hésitez pas, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement. Bien c'est sûr, ton album. On stream les gars. Voilà. Let's go le stream. Donc David Guetta ASMR, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Fadjet. Merci David Guetta SMR d'avoir été présent dans les locaux de Fadjet. L'émission te vire à sa fin. Il nous reste encore le jeu auditeur. On va appeler tout à l'heure un auditeur pour essayer de lui faire gagner le cabas Fadjet. Mais avant, c'est un autre choix de vous, David Guetta SMR. Et oui. L'entourloupe. Bagarang. Every corner of the world welcome everyone. Why my DJ are the champion? How we kill jump on in any session? If you disrespect a murderation, for my DJ we no fear no one. Kill them all and come back alone. L'entourloupe Bagarang. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. Le jeu auditeur, nous arrivons à la fin. C'est le moment aussi qui est attendu par nos auditeurs, ceux qui ont postulé pour pouvoir espérer être appelés pour gagner peut-être le cabas de Fadjet. Hein. J'espère qu'il sera gagné aujourd'hui. Ah bah oui, j'espère qu'il sera gagné. Et tout de suite, oh pardon, excusez-moi. Oh. Voilà, une première sonnerie. Allô ? Oui, oui. Est-ce que vous savez qui vous appelle ? Bonjour Jean-Charles. Bah bonjour, bonjour, merci de m'appeler. Jean-Charles, est-ce que vous savez qui vous appelle ? Ah, je pense que je sais que c'est Fadjet. Oh, mais c'est Radio Fadjet. À quoi vous avez reconnu ça ? C'est la voix de Tristan, je la reconnais. C'est vrai que... Et autour de moi, il y a aussi Jocelyn qui est là et on est très heureux, bonjour, Jean-Charles, de vous appeler. Ah, James n'est pas là. Je l'aime beaucoup, c'est l'un des plus drôles de votre antenne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que James a dû s'absenter pour un problème d'équilibre intestinal. Est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle, Bah, ça doit être pour le cabas de Fadjet. Oui, le cabas de Fadjet. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans dans le cabas de Fadjet ? Alors, je crois me rappeler qu'il y avait le t-shirt. Oui, oui, bravo, effectivement. Il y a, je crois, aussi un guide pour faire des bonnes imitations, je crois. Oui, effectivement, oui. Celui-là... J'en aurais besoin, je pense. Vous en aurez bien besoin, mm-hmm. Effectivement. Il y a encore deux choses. Des bretzels ? Non. De la choucroute ? Non plus. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de recevoir une fois tous les deux mois. Un avis d'imposition ? Ah, presque. Mais c'est pas un avis d'imposition, mais ça arrive dans votre boîte aux lettres, effectivement. Un PV ? Mais non, encore une dernière chance, et sinon je suis désolé, je serai obligé de vous déclarer perdant. Ouais, tous les deux mois, Jean-Charles. Tous les deux mois ? Oui. Tous les deux mois ? Oui, tous les deux mois. Quand je réfléchis, j'ai plus l'accent alsacien. Oui. Non, bon, bah écoutez, c'était une enveloppe EDF vierge. Ah ! Et oui, c'était François à la matinale de mardi dernier, pardon, qui l'a rajouté. Il fallait suivre la matinale de Fadjet. Je l'avais suivi, mais j'étais bourré. Voilà. Et Jocelyn avait rajouté un œuf de Concarneau en même temps. Ouais. Voilà. Donc, j'espère. Désolé pour vous, Jean-Charles. Merci de nous écouter. Merci de m'avoir rappelé de votre Alsace natale. Et on espère que la semaine prochaine, on aura quelqu'un qui pourra gagner enfin. On croise les doigts. Enfin, ce cabas Fadjet, qu'on puisse enfin l'offrir. Et c'est la fin de cette émission. Merci autour de cette table à James. Merci à Jocelyn d'avoir merci été présent. Merci à toi, Tristan. Merci, Tristan. Merci Jocelyn Tristan. D'avoir merci été Tristan. Réveillé pour pouvoir venir faire cette matinale. On ne le répétera jamais assez, mais oui. 11h, c'est tôt. 18h, c'est tôt. Grosse pensée pour Mathéo qui a dû s'absenter, mais qui est dans nos cœurs. Voilà. Mais toujours. Qui disparaîtra, puisque les stagiaires sont éphémères sur Fadjet. Un autre stagiaire est en train d'être créé. Alors, oui, tout à fait, dans le laboratoire. Modélisé même. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve dans peut-être 15 jours, quelque chose comme ça, puisque la semaine prochaine, c'est l'émission de Gallon, La Voisinade. Et nous, ça sera dans 15 jours à 18h. Et en forme. Voilà, et restez bien sur les ondes de Fadjet. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.